La duègne, entendez le chaperon de Roxane, vient alors demander à Cyrano un lieu de rendez-vous avec Roxane. Ce sera chez Raguenaud, le rôtisseur pâtissier ami de Cyrano. Deuxième acte, à la rôtisserie des poètes donc, la boutique de Raguenaud. En attendant l'arrivée de Roxane chez Raguenaud, Cyrano lui demande une plume. « Eh bien, écrivons-la cette lettre d'amour, quand moi-même j'ai faite et refaite 100 fois, de sorte qu'elle est prête, et que mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. »